Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. Ce soir, le magazine de l'archéologie ouvre ses portes à un royaume méconnu du Sud-Caucase et par là même au passé lointain de l'Arménie. L'Urartu, puisque tel est son nom, est né autour du fameux lac de Van à l'est de la Turquie. Séparé de la Syrie par quelques royaumes tampons, il est pleinement mentionné dans les textes assyriens dès la fin du deuxième millénaire avant notre ère et fut en guerre contre lui, rappelons pour l'occasion l'expédition guerrière de Salmanazar Ier. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'au milieu du 8e siècle que le royaume d'Urartu semble réellement être à son apogée et rivaliser face à son très puissant voisin. Actuellement, une mission archéologique française du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères travaille sur les sites majeurs de cette période dans les environs de la capitale de l'Arménie, Erevan. Pour en parler, Stéphane Deschamps, bonsoir. Bonsoir. Conservateur général du patrimoine, vous gérez actuellement, depuis quelques années, l'avenir archéologique de l'Île-de-France. À vous revient, par exemple, la fouille de Notre-Dame de Paris, dont nous nous sommes fait largement l'écho. Bien moins connu, vous œuvrez en Arménie et sur le royaume d'Urartu. Pourquoi ce choix ? En fait, c'est pas un choix à l'origine. C'est pas un choix, c'est une opportunité, on va dire. J'étais pas du tout prédestiné à travailler ni sur le Proche-Orient ni sur ces périodes un peu loin de mes bases, parce que je travaille sur l'Antiquité, notamment l'Antiquité urbaine. C'était une mission à l'origine organisée par le ministère des Cultures français à la demande du ministère des Cultures arménien pour les aider dans un programme d'études et de restauration, notamment d'édifices paléochrétiens. Et puis, on avait également à traiter la question d'une mosaïque romaine trouvée à Garni. En Arménie. Voilà, donc cette première mission s'est bien passée. Moi, j'ai découvert à cette occasion un patrimoine exceptionnel, enfin, pour toutes les périodes considérées. Néanmoins, cette collaboration n'a pas vraiment abouti. Le ministère de la Culture a pu prendre en charge la restauration de la mosaïque de Garni. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était une prestation. Pas besoin de mettre en place une collaboration scientifique longue pour former des équipes, alors qu'il y a une seule mosaïque, il y en a une deuxième maintenant, mais une seule connue en Arménie. En revanche, ça n'avait pas vraiment bien fonctionné sur l'aspect collaboration, puisqu'en fait, nos collègues du service des monuments en Arménie étaient intéressés, ce qui est normal, par une aide financière française pour restaurer les édifices, il n'y a pas de sujet. En revanche, beaucoup moins ouverts à des échanges méthodologiques. Voilà. Or, j'ai été recontacté quelques années après, c'était en 96 de mémoire, par un collègue universitaire qui avait eu, je ne sais pas par quel miracle, une copie du rapport que j'avais fait à l'époque et qui a repris contact. Donc voilà, moi je suis intéressé par les échanges méthodologiques avec une équipe française. Et là, on a pu monter quelque chose d'abord sur la période achéménide, puis ensuite, naturellement, on est venu, je dirais, à la période de transition qui précède la période achéménide. Donc voilà, c'est un peu un hasard. Stéphane Deschamps, existe-t-il un lien étymologique entre Urartu et Ararat, le fameux volcan dont le sommet culmine à plus de 5000 mètres? Oui, tout à fait. Alors, il y a un lien étymologique, il suffit de se référer à la Bible, le livre des rois et Jérémie en particulier, qui nous parle du royaume d'Ararat, faisant allusion, quand on regarde la chronologie des faits, faisant allusion à Urartu, bien évidemment. Les consonnes sont communes, hein, entre les deux mots, c'est juste les voyelles qui changent. Donc, il y a un lien, effectivement. Sachant que le mont Ararat est désigné de manière différente selon les populations. Pour les Arméniens, c'est pas Ararat, c'est le Ramassi. Il y a le grand et le petit, puisqu'il y a deux volcans, en fait, qui culminent sur la plaine de l'Arax. Et c'est vrai que c'est presque un déchirement pour les Arméniens, puisque de la capitale Erevan, on voit le mont Ararat en permanence, mais il est en Turquie. Enfin, en Turquie aujourd'hui. Mais il y a bien un lien étymologique entre les deux, le royaume d'Ararat venant d'Urartu, qui a disparu d'ailleurs des sources par la suite. Ce royaume d'Urartu n'est-il pas identitaire pour la nation arménienne? Appartient-il lui aussi, comme nos Gaulois, au roman national? C'est une question presque embarrassante, mais c'est pas une raison de pas la traiter. Oui, bien sûr, il fait partie du roman national. C'est une question vraiment d'actualité parce que notre programme de recherche porte particulièrement sur la période de transition qui suit la fin d'Urartu et qui précède la période achéménide. Et c'est une période au cours de laquelle va émerger dans les sources pour la première fois l'Arménie. La première mention de l'Arménie dans les sources, c'est l'inscription de Behistoun en Iran. Donc c'est l'inscription par laquelle le roi Darius relate la manière dont il a soumis les peuples révoltés à son accession au pouvoir. Donc c'est une inscription trilingue. Et dans deux versions est mentionnée l'Arménie. Donc l'Arménie apparaît, on est vers 521-520 avant notre ère. L'Arménie apparaît dans les textes à cette période-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre Urartu et l'Arménie? Alors il y a une tendance du roman national à considérer que l'Arménie est fille d'Urartu. C'est pas si simple. Mais c'est un sujet compliqué actuellement dans le cadre du conflit qui existe avec l'Azerbaïdjan actuellement, à tel point que il y a une négation, je dirais, de l'existence même d'Urartu dans certaines régions. J'ai un collègue américain qui est décédé maintenant, mais qui s'appelait Bradley James Parker, qui a fait des prospections sur des sites comparables à celui sur lequel je travaille, dont des forteresses urartéennes au Nakhitchevan. Il n'a pas eu de renouvellement de visa et des injonctions écrites lui expliquant qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le terme Urartu, puisqu'Urartu n'existe pas au Nakhitchevan. Ce qui est passionnant, parce que veut dire que le roi Argishti, lors de ses conquêtes, avait soigneusement pris soin d'éviter les frontières de ce qui est aujourd'hui le Nakhitchevan. Enfin, on sent bien que tout cela pose problème, bien évidemment. C'est la négation de l'identité de l'autre, puisque l'Arménie revendique la filiation avec Urartu. Voilà. Mais c'est assez complexe, parce que si on regarde sur un plan simplement linguistique, l'arménien est une langue indo-européenne, un rameau particulier, alors qu'Urartu est une langue de tradition urite. Donc on est sur deux langues différentes. Mais on y reviendra peut-être, mais c'est un vrai sujet passionnant. Puisque Stéphane Deschamps, vous parlez de l'Azerbaïdjan, dans la géopolitique du 9e siècle avant notre ère, quelle est l'emprise territoriale de ce royaume? Alors, l'emprise territoriale de ce royaume est assez considérable. Enfin, il s'est développé progressivement. L'embryon d'origine est autour du lac de Van, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc, alors, en fait, il se déploie autour des trois grands lacs, qui sont le lac de Van, donc est de la Turquie ou du plateau arménien, à l'époque où on l'appelle. Ensuite, on va remonter vers le nord jusqu'au lac Sevan, donc le deuxième grand lac qui est en Arménie actuelle, avec toute une série de forteresses le long du lac Sevan et une occupation qui remonte vers la Géorgie. Vers l'est ensuite, on se développe vers le nord-ouest de l'Iran, l'Azerbaïdjan bien évidemment, le Nakhitchevan, n'en déplaise à nos collègues, est inclus également, et dans son extension maximale, le nord de l'Irak et de la Syrie. Donc c'est quand même un royaume qui s'est développé notamment dans sa confrontation permanente avec la Syrie. Pour les archéologues, la découverte d'Urartu est assez tardive, puisque les monuments et mobiliers étaient généralement attribués à la culture assyrienne. Pendant très très longtemps, effectivement. Alors, pour une raison historique, en fait, Urartu n'apparaît pas dans les sources grecques. Hérodote ne parle pas d'Urartu, Xénophon non plus. Pourquoi ? On se l'explique pas très très bien. Il y a eu une disparition sans doute très très rapide des structures de l'état d'Urartu, et du coup ça n'apparaît pas du tout. On zappe complètement. Ce qui veut dire que lorsqu'on a redécouvert les antiquités assyriennes, l'ensemble de la culture matérielle d'Urartu était assimilée, attribuée aux Assyriens, jusqu'à la redécouverte, alors notamment par George Friedrich Sulz. 1830. Voilà. 1826, je crois de mémoire, sa première mission pour relever des inscriptions, publiée en 1840 ensuite. Donc il relève une série d'inscriptions qui ensuite, à la faveur de la transcription, je dirais, des inscriptions cunéiformes, ont été attribuées notamment au roi Menua, roi d'Urartu. Voilà. Donc on retrouve les Urartiens plutôt dans les sources néo-assyriennes et babyloniennes. Et en tout cas, ce sont les archéologues de l'ère soviétique qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Oui, alors on doit notamment, alors ça c'est une figure, mais on doit notamment à Boris Piotrowski, qui était conservateur du musée de l'Ermitage, d'avoir pris l'initiative d'engager des fouilles importantes. Je pense notamment à un site qui est voisin de celui sur lequel je travaille, qui est le site de Karmir Blour, qui veut dire la colline rouge en fait, dont le nom urartéen est Teixebaï Uru. Uru, c'est le logogramme pour désigner ville. Donc la ville de Teixeba. Teixeba, c'est le dieu de l'orage, voilà. C'est une fondation royale du roi Roussa II, donc un peu postérieure à la forteresse sur laquelle je travaille. Et Boris Piotrowski a engagé des fouilles de cette forteresse à partir de 1939, pendant quelques années, ce qui lui a permis par la suite de publier son ouvrage essentiel sur Urartu dans la collection Archaeologia Mundi. Voilà, et qui fait une belle synthèse, même si maintenant on reprend complètement ses hypothèses. Mais voilà, donc c'est vraiment l'archéologie soviétique qui a lancé cela. Parce que c'est une bonne archéologie, l'archéologie soviétique. Quand même. Oui, à l'époque, oui. J'ai pas grand-chose à redire sur les travaux qui ont été menés par Boris Piotrowski, même si maintenant on reprend les hypothèses parce qu'on a pu affiner les datations, etc. On a d'autres moyens. Mais globalement, plutôt une bonne archéologie qui, par la suite, n'a pas évolué suffisamment. En tout cas, voilà, il y a le travail par horizon culturel tel que se pratique plus maintenant. Voilà. Donc, c'était celle-là aussi en engageant des missions dans le Caucase, c'était d'essayer d'apporter aussi les méthodologies telles qu'on a pu puis développé en Europe pour essayer de confronter avec nos collègues arméniens et de faire vraiment de faire évoluer les choses. Ça fonctionne très bien. À défaut d'archéologie, historien et épigraphiste connaissait ce royaume par les textes assyriens. Qu'est-ce que l'on en connaît ? Dans les sources assyriennes, énormément de récits de conflits, en fait, entre Urartu et l'Arménie. Parfois des conflits par petits royaumes interposés. On parlait tout à l'heure des états tampons qui sont situés entre la Syrie et Urartu. D'ailleurs, qui ont une position assez curieuse, qui a tantôt sont indépendants, tantôt pris par la Syrie, tantôt par Urartu, dont le statut est peut-être lié aux divinités. Je pense à Choupria, je pense à Koumé, qui sont des états dans lesquels on a, ou Moussachir, par exemple. Moussachir est un très bon exemple, puisque Moussachir, c'est le royaume dans lequel est né le dieu Haldi, le dieu principal du panthéon urartéen, qui donc vient d'un autre royaume qu'Urartu. C'est assez curieux, quoi. Et donc, les sources assyriennes nous donnent quantité de renseignements sur ces conflits, je dirais, permanent entre Urartu et la Syrie, voire même dans les dernières, alors là on est au 7e siècle, montre un affaiblissement progressif d'Urartu. On le voit très nettement dans les textes où le roi d'Urartu vient quasiment se soumettre au roi d'Assyrie. Donc on sent qu'il y a une évolution. Dieu merci, donc on a ces sources et puis on a aussi tout le corpus d'inscriptions urartéennes. Évoquons vos fouilles. Ce que vous fouillez, c'est une formidable forteresse vraiment majeure de ce royaume. Oui, elle accompagne l'extension du royaume au niveau de la plaine de l'Arax. C'est-à-dire que le roi Menua arrive jusqu'à la plaine de l'Arax et Argishti Ier donc va conquérir la plaine de l'Arax. On comprend pourquoi. C'est une grande plaine fertile dans laquelle se situe la ville d'Erevan actuellement. Donc grande plaine fertile. Et comme toujours avec Urartu, cette conquête s'accompagne de la soumission des populations locales et des confédérations locales. On a une mention notamment d'une confédération d'Etiouni, une série de petits royaumes qui sont alliés un petit peu contre Urartu. En tout cas, Argishti prend la plaine de l'Arax et construit au moins deux grandes forteresses que sont Erebouni, donc sur la forteresse sur laquelle nous travaillons, et va créer une autre forteresse qui s'appelle Armavir, c'est-à-dire Argishti Hinili, la ville d'Argishti, du roi Argishti, tout simplement. Voilà, donc c'est des réseaux de forteresses qui verrouillent un petit peu la population locale et préparer de nouvelles conquêtes, parce qu'on va ensuite monter vers le lac Sevan, et il y a tout un réseau secondaire de petites forteresses que nos collègues, je pense notamment à nos collègues autrichiens, étudient actuellement, donc tout un réseau de petites forteresses pour tenir un petit peu le pays. Que sait-on de la forteresse d'Erebouni, qu'elle a été fondée en 782 avant notre ère par un roi d'Urartu, c'est ça ? C'est cela, fondée alors 782, approximativement on va dire. Là aussi, toute la synchronisation des rois urartéens se fait par rapport aux listes royales assyriennes. Hein. Donc on a une petite marge d'erreur, mais on va dire 782, qui est une date d'ailleurs symbolique. En 1968, donc après la découverte de cette forteresse d'Erebouni et l'identification de la dédicace donc par le roi Argishti en 782. En 1968, en pleine période soviétique, on fête les 2750e anniversaire de la ville d'Erevan, plus vieille que Rome, comme quelque chose. Voilà. Parce que ça s'est accompagné, malheureusement, je dirais, d'importants travaux de restauration qui, aujourd'hui, pèsent un petit peu sur notre programme de recherche. Voilà. Donc, une forteresse importante avec ses plusieurs fonctions. On parle de la fonction militaire pour toute forteresse, bien évidemment, et une fonction religieuse aussi. Elle abrite un complexe cultuel qu'on est en train de retravailler, qui comporte beaucoup plus de temples qu'on ne pensait à l'origine. On a trois temples majeurs du complexe cultuel, d'importants greniers aussi. Hein, c'est des places fortes dans lesquelles on stockait des céréales pour ensuite les renvoyer vers le centre du royaume. Voilà. Donc il y a tous ces aspects en même temps. Donc c'est des verrous importants. Un des temples, probablement le majeur, serait dédié à un dieu capital, Haldi. Oui, Haldi, effectivement. Alors ça, c'est le principal temple, c'est la principale divinité du panthéon urartéen. Le dieu Haldi, qui est le dieu qui accompagne le roi dans ses conquêtes, en quelque sorte. Le dieu de la guerre, il a d'autres fonctions, mais le dieu de la guerre principalement, qui accompagne le roi. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que sur la façade du temple de Haldi à Erebouni, on avait retrouvé avec notre collègue disparu maintenant, David Stronard, retrouvé une niche peinte sur la façade du temple, qui est une sorte de porte symbolique, un peu comme la porte de Meher Kapesi, qui est cette fois-ci à Touchpas, qui est une porte, enfin on l'interprète comme cela, une porte qui a été créée pour que le dieu Haldi surgisse de la roche, un peu comme Mitra, surgisse de la roche pour accompagner le roi dans ses conquêtes. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Stéphane Deschamps, ce roi Argishti Ier, qui règne deux décennies jusqu'en 766 avant notre ère, semble être un puissant chef militaire qui n'hésite pas d'ailleurs à relater ses exploits. On a trouvé des textes absolument formidables. Ah oui, les annales d'Argishti, qui décrivent toutes ses conquêtes, évidemment, et dans lesquelles d'ailleurs il y fait mention de des rébellions. Il se vante, bien sûr. Alors toujours dans ses formules, le roi crée de toutes pièces quelque chose là où c'était un désert, en quelque sorte. Alors bon, on reconnaît là un peu la formule habituelle, bien évidemment. Mais il relate toutes ses conquêtes et les déportations de population. Erebouni, c'est 6600 personnes qui ont été déportées pour permettre la construction de la forteresse. Donc voilà, on a quantité de sources qui sont parfois maniées avec beaucoup de précautions, bien sûr. Il y a l'aspect mis en avant, je dirais, du rôle du roi. Mais bon, ça c'est assez classique dans nos sources. Quel est le statut de votre site, de votre forteresse? Un centre de pouvoir royal? Une sorte de palais-forteresse? Palais forteresse, sans doute. Alors, c'est les trois grandes fonctions que j'évoquais précédemment. On a la fonction, évidemment, militaire, la fonction palatiale, elle est présente à Erebouni, elle nous interroge d'ailleurs parce qu'on a des corpins qui sont plus tardifs, mais une fonction palatiale, c'est clair, une fonction religieuse, et puis celle qui est liée, je dirais, à la vocation économique. Donc, palais forteresse et grenier, en fait, le tout fonctionnant ensemble. Mais du coup, avec un réseau de forteresses qui s'impose au pays, et qui nous pose une petite difficulté, d'ailleurs, assez intéressante, c'est qu'on a dans ces forteresses royales ou rartéennes un mobilier très spécifique qu'on ne va pas retrouver si on fouille des sites contemporains en milieu rural. Donc on a notamment une céramique dite palatiale, une céramique engobée rouge, très caractéristique, qu'on ne retrouvera pas forcément sur les sites d'habitat à l'extérieur. C'est une production palatiale. Cette uniformité des forteresses plaide en faveur d'une centralisation poussée du pouvoir ? Ah, c'est un sujet qui fait... C'est un sujet très débattu. Oui, c'est un sujet très, très, très débattu, effectivement. Une forme de centralisation, sans doute. Le réseau des forteresses fonctionne ainsi. Voilà. Après, ce qui est beaucoup plus difficile à percevoir, c'est la manière dont ce pouvoir s'impose localement. Voilà. Est-ce qu'on est réduit aux forteresses? En fait, on doit l'admettre, on a une lacune dans nos sources. On a très peu fouillé les habitats, même à l'extérieur des forteresses. On ne sait pas si ces forteresses ont généré des centres urbains. Alors, c'est le cas pour Carmirblour, vraiment une occupation assez dense au pied de la forteresse. Et Erebouni, on commence à le percevoir, mais ça ne me semble pas très très important, en tout cas en emprise ou en surface. Donc voilà, comment les populations locales ont-elles continué à vivre sous la domination ourartéenne? Ça, c'est quelque chose qui est assez complexe à aborder. Ces sortes de forteresses, ce sont les socles qui soutiennent bien sûr le pouvoir. Il y a visiblement une vraie tradition architecturale avec des murs cyclopéens? Oui, alors il y a une tradition architecturale avec des soubassements, en tout cas en très gros blocs, de basalte, on dit la roche locale, le basalte ou l'andésite, qui forment les soubassements, notamment pour les murs des forteresses, mais aussi pour les bâtiments. Je pense au temple de Haldi qu'on évoquait tout à l'heure, et une élévation qui est une élévation en briques crues. Si bien que la morphologie des sites lorsqu'ils sont abandonnés, je pense notamment à la colline rouge, Carmirblour, ressemble un petit peu à un tel. Donc c'est dans le paysage du Proche-Orient, c'est pas surprenant, mais on a ces amas, je dirais, de briques d'adobe qui sont conservées. Donc soubassement en pierre, il y a vraiment une tradition architecturale, même si quand on regarde un petit peu ce que l'on connaît de l'habitat, on peut faire des parallèles aussi avec la Syrie, on peut faire des parallèles aussi avec les Hittites. Enfin voilà, on a des choses qui se ressemblent un petit peu. Quand on arrive sur votre site, dans quel paysage sommes-nous? Comment se présente cette forteresse? Alors, c'est une réserve archéologique actuellement. Donc elle a été restaurée en 1968, pour le meilleur et pour le pire, si j'ose dire. Mais le paysage alentour, en fait, la forteresse est sur une colline qui domine complètement la plaine de l'Arax. Donc la perspective que l'on a de la forteresse, c'est la plaine en contrebas et le mont Ararat en face. Je trouve que c'est un paysage assez agréable pour le matin quand on arrive sur la fouille. Ça, c'est plutôt bien. Le reste, c'est des collines, en fait, des collines relativement arides de hauts plateaux volcaniques. Lorsque l'on quitte la plaine fertile de l'Arax, voilà, c'est le seul paysage que l'on a. Donc on est juste à la rupture entre ce réseau de collines et la grande plaine fertile de l'Arax. On pensait bien connaître l'histoire de votre site, puisque l'on savait son abandon durant le premier quart du 7e siècle, au profit d'un nouveau site fortifié. Oui, alors ça c'était le récit tel qu'on l'avait à l'issue des fouilles qui ont été faites par un architecte qui s'appelait Constantino Vanissian, donc dans les années 50, une équipe détachée de Carmirblour qui vient travailler sur le site d'Erebouni. Le fait que les fouilles aient été pilotées par un architecte, c'est pas innocent, à la fois dans la suite, c'est à la restauration du site, et dans la manière dont il a compris le site. Donc schématiquement, oui, le schéma habituellement accepté, c'est une forteresse fondée par le roi Argishti, abandonnée ensuite dans le courant du premier quart du 7e siècle, lorsqu'un nouveau roi, Roussa II, fonde la forteresse de Teïchébaï, ou Rous, c'est-à-dire la forteresse de Carmirblour. Ça, c'est ce que l'on a savé jusqu'à présent, avec, malgré tout, un questionnement sur une grande salle à colonnes, une grande salle à 30 colonnes, alors attribuée là, il y a eu des longs débats, attribués soit à la période ouartéenne, ce qui du coup plaçait ce type de grande salle comme un prototype avant les grandes salles perses. Alors, le terme Apadana, par exemple, est utilisé actuellement encore. Je lutte contre ça, mais il est encore utilisé, alors que morphologiquement, ça ne correspond pas à ce que l'on sait des Apadana. Et puis, attribué par d'autres auteurs à la période achéménide. Donc un de nos sujets de recherche est justement de retravailler la datation de cette grande salle. Voilà, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que le schéma tel qu'on l'a pensé, il est bousculé, on a une continuité d'occupation en fait. La Palma, c'est bien sûr un bâtiment d'audience hypostyle, c'est ça? C'est ça, c'est ça, exactement. Sauf qu'il est bordé par des galeries, alors que là on n'a pas les galeries, on a juste la salle hypostyle à 30 colonnes. Bien avant le drame turc et syrien, nous savons la région sismique. Or, vous avez mis en évidence donc des tremblements de terre? Oui, alors on aurait pu ajouter au drame syrien, et turc et syrien, le drame arménien aussi, de décembre 88, avec le tremblement de terre qui a détruit deux villes, Gumri et Spitak. Alors c'est pas la même faille, hein, mais nous c'est sur la faille d'Erevan, là c'est une autre faille. Oui, on a mis en évidence trois épisodes sismiques. Alors, la vraie difficulté pour les épisodes sismiques, c'est de les dater en fait. Parce qu'en fait, on peut encore avoir des mouvements qui affectent des murs, par exemple, dans le sol, après l'abandon des bâtiments. Il y a un épisode sismique qu'on a bien caractérisé parce qu'en fait, on a des niveaux de destruction et surtout, il a fait l'objet de réparations. Et on a retrouvé des désordres très, très, très, très marqués sur les bâtiments. 670, ouais. 650 avant notre ère, c'est ça? Ouais. Et donc, ça nous place à peu près au moment de la fondation de Carmière-Blour. Donc, on peut reposer le questionnement de la fondation. Donc, votre site aurait été abandonné après le tremblement de terre, c'est ça, l'idée? Pas abandonné. Pas abandonné. C'est là justement la subtilité. Il n'est pas abandonné. On a une phase de réparation. Donc on continue à occuper le site. On a une phase de réparation des bâtiments du temple avec des contreforts qui ont été ajoutés, l'ajout de bois aux jonctions des maçonneries. Voilà, toute une série d'éléments. En tout cas, votre temple d'Aldi est définitivement détruit. Sur le terrain, quelles sont les traces visibles de ces séismes? Alors, il y a toutes sortes de traces. Alors là aussi, c'était un peu un apprentissage parce que moi, j'ai pas travaillé nécessairement sur les questions sismiques. Donc, on a travaillé avec des collègues de la Maison de l'Orient de la Méditerranée à Lyon. On a travaillé également avec nos collègues géologues de l'Académie des sciences d'Arménie qui sont familiarisés, ils n'ont pas le choix, je dirais, avec les phénomènes sismiques. Alors, on a toutes sortes de désordres. On a notamment ce qu'on appelle le hammer shock, puisqu'on parlait tout à l'heure des blocs en grand appareil, en fait, type cyclopéen, des soubassements des bâtiments. En fait, ce sont des éclats conchoïdes qui apparaissent à la base des blocs et qui montrent qu'on n'a pas une poussée statique verticale, mais une remontée, en fait, une accélération verticale qui ne peut être expliquée que par un tremblement de terre. Donc ça, on en a énormément. Des rotations de blocs sur les murs. Et on a eu la chance, alors pour l'anecdote, l'équipe qui est venue travailler avec nous, je pense à Bruno Elie en particulier, sont venus travailler sur les problèmes sismiques. Et deux jours après leur départ, on a mis en évidence un soulèvement. On a une rue constituée de cailloutis et de galets. Et on a mis en évidence un soulèvement sous le temple, voilà, deux jours après leur départ, mais on a pu documenter tout cela. Vous avez des rotations des blocs, semble-t-il? Oui, des rotations des blocs, en fait. Alors, ça dépend des secousses sismiques. Alors, il y a un phénomène qui est assez intéressant. Vous savez que pour la sismique, il y a à la fois la magnitude et l'autre élément qui est les effets du séisme, et qui sont accentués par ce qu'on appelle les effets de site. Et là, on a un effet de site parce qu'en fait, on est sur le socle rocheux, sur une colline, et une accélération de l'amplitude du séisme. L'administration ouartéenne disparaît-elle de votre site? Ce que vous voyez, c'est une brusque modification des modes d'occupation du site, un phénomène d'occupation précaire, des sortes de squatteurs? Oui, alors ça, juste après le séisme, on a des réparations et des petits bâtiments qui se mettent en place, donc on a un changement de statut du site. C'est clair que le pouvoir n'est sans doute plus là, il est sans doute à Carmière-Blour. Ce qui est assez intéressant du reste, c'est que les dépôts du sanctuaire du temple de Haldi, notamment les boucliers, etc., ont été retrouvés à Carmière-Blour. Mais la phase qui suit, on a vraiment une phase, alors j'aime pas tellement l'expression squatter, parce qu'en fait, elle traduit souvent notre incapacité à appréhender ce phénomène, mais en tout cas, on a des petits bâtiments très très curieux, des bâtiments semi-excavés qui ressemblent en tout point à des bâtiments qu'on a en contexte rural et qui viennent s'implanter à côté du temple, sur la terrasse du temple, etc. C'est les mêmes bâtiments que Piotrowski avait trouvé à Carmière-Blour dans la porte de la forteresse, par exemple. Et là, on est sur quelque chose de totalement différent. Vous avez aussi du mobilier de votre temple qui aurait été déplacé et retrouvé dans une autre ville? Oui, tout à fait. Alors l'hypothèse, c'est Boris Piotrowski à Carmière-Blour qui avait retrouvé en fait tous les dépôts, enfin une bonne partie des dépôts du sanctuaire de Haldi d'Erebouni. Donc on a des boucliers, épées, casques, etc. avec mention du roi Arkishti. Donc ces dépôts viennent d'Erebouni, ont été retrouvés à Carmière-Blour. L'explication qui avait été proposé à l'époque, qui était tout à fait justifié, était de considérer que le roi avait décidé de créer une nouvelle forteresse et donc déplacer les dépôts du temple dans un nouveau temple de Haldi, dans la nouvelle forteresse. En fait, l'explication pour nous, elle est sans doute différente maintenant. Maintenant qu'on a pu identifier ce séisme, c'est la destruction du temple de Haldi à Erebouni, fait que, voilà, c'est un mauvais présage. Ça, on le sait par les sources grecques. Voilà, c'est la colère de Dieu. Colère divine. Donc, on ne reconstruit pas le temple, on déplace la forteresse et on va la construire et on va donc déplacer en même temps les dépôts du temple. D'ailleurs, concernant la forteresse, c'est sans doute beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Ça, c'est partie de notre programme actuel. Une partie des murs de la forteresse ont sans doute été détruits. Que sait-on désormais de la chute, de l'anéantissement du royaume d'Urartu? Le sujet a questionné nombre de chercheurs. Le royaume tombe-t-il sous les coups de butoir, par exemple, des Mèdes vers 590 avant notre ère? Alors là aussi, c'est un petit peu le récit que l'on avait après les travaux de Boris Piotrowski. Je dirais qu'il y a deux grandes écoles. Il y a l'école que je qualifierais rapidement d'école russe, qui reste, je dirais, dans la lignée des travaux de Boris Piotrowski. Piotrowski considère que Carmyr Blour a été détruit vers 585-580, sans doute sous le coup des Mèdes, alliés des populations locales, peut-être des Scythes également, etc. Pour la petite histoire, on avait toute une série de pointes de flèches de type Scythe, mais on sait que ça dépasse le cadre des Scythes, qui était encore planté dans les murs en terre crue de la porte de la forteresse de Carmyr Blour. Donc, l'hypothèse, c'était celle-là, c'est qu'on l'effondrement d'Urartu vers 585-580, au moins dans la plaine de l'Arax, ce qui laisse un tout petit laps de temps, je dirais, entre la fin d'Urartu et la période d'Achéménide. Voilà, on a une génération. En tout cas, vers 557-530, l'Arménie est intégrée à l'Empire perse Achéménide, bien sûr créé par Cyrus. Oui, alors ça, on en sait un petit peu plus. On en sait un petit peu plus, même s'il y a encore un petit peu débat, mais ça c'est normal, sur les sources, on a toujours un débat. L'intégration de l'Arménie dans l'Empire perse, c'est sous le règne de Cyrus. Ça ne fait aucun doute, puisque l'Arménie se révolte au moment de l'accession sur le trône de Darius. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Sur la date précise, c'est très compliqué, parce qu'en fait, on sait assez peu de choses, en fait. Là, il y a une nouvelle hypothèse qui a été formulée sur la base d'une relecture de la chronique de Nabonide. Voilà, le roi archéologue. Voilà. Et bien en sûr. Relisant cette chronique, Holzner s'est rendu compte qu'il y avait une transcription qui avait été faite en 547. Le roi met en route son armée, franchit le Tigre à Arbil et va conquérir le pays de, et bien voilà, une lacune dans l'inscription, c'est pas de chance. La première syllabe avait été interprétée comme Lie de Lydie, donc conquête de la Lydie 547. La relecture qui est faite et qui est globalement acceptée aujourd'hui, c'est la conquête d'Urartu. Donc, même si le terme est anachronique par rapport à la fin du royaume d'Urartu, globalement, l'Arménie rejoindrait l'Empire perse achéménide sans doute autour de 547, 550, 547, voilà, à peu près. En tout cas, l'Arménie devient alors la 18e satrapie de l'Empire, bien sûr, perse. Que sait-on de l'organisation perse en Arménie et sur votre site? Alors, sur notre site, c'est un vrai sujet, puisque en contrebas du site, dans les années 60, c'est moins exact, on a découvert une série de ritons en argent magnifiques de la période achéménide, et la grande salle que j'évoquais tout à l'heure était attribuée à la période achéménide. Donc, on pensait qu'on avait éventuellement Erebouni, quelque chose qui pouvait être le centre de la satrapie, enfin, en tout cas, voilà, une grande salle à colonnes marquant le centre de la satrapie. En fait, la datation qu'on propose maintenant pour la grande salle exclut totalement la période achéménide, elle n'est pas la période achéménide, elle précède cette période-là. Donc, premier élément. On a pas mal de choses, mais le centre du pouvoir, on ne peut pas le localiser. Moi, j'avais terminé la fouille dans les années 90 alors, j'aime pas trop le terme de palais qui est pas forcément approprié, mais d'une salle à colonnes à Benyamin, cette fois-ci. Donc, on est dans la région du Chirac, un peu plus, quand on remonte vers la Géorgie, qui est, elle, de la période achéménide. Donc, on a une occupation achéménide, mais en tout cas, beaucoup moins importante qu'on ne le pensait sur le site d'Erebouni. Stéphane Deschamps, merci beaucoup et tenez-nous au courant donc de vos fouilles arméniennes. Carbone 14 était réalisé par Alexandra Malka, à la technique Nicolas Depagraf et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.